pourquoi s'est plainte contre la nature? Elle s'est montrée si bienveillante. Pour qui sait l'employer, la vie est assez longue. Mais l'un est dominé par une insatiable avarice, l'autre s'applique laborieusement à des travaux frivoles, un autre se plonge dans le vin, un autre s'endort dans l'inertie, un autre nourrit une ambition toujours soumise au jugement d'autrui, un autre, témérairement passionné pour le négoce, est poussé par l'espoir du gain sur toutes les terres, par toutes les mers. Quelques-uns, tourmentés de l'ardeur des combats, ne sont jamais sans être occupés ou du soin de mettre les autres en péril ou de la crainte d'y tomber eux-mêmes. On en voit qui, dévoués à d'illustres ingrats, se consument dans une servitude volontaire. Plusieurs convoitent la fortune d'autrui ou maudissent leur destinée. La plupart des hommes, n'ayant point de but certain, cédant à une légèreté vague, inconstante, importune à elle-même, sont ballottés sans cesse en de nouveaux desseins. Quelques-uns ne trouvent rien qui les attire ni qui leur plaise, et la mort les surprend dans leur langueur et leur incertitude. Aussi cette sentence sortie comme un oracle de la bouche d'un grand poète me paraît-elle incontestable. Nous ne vivons que la moindre partie du temps de notre vie, car tout le reste de sa durée n'est point de la vie, mais du temps. Les vices nous entourent et nous pressent de tous côtés. Ils ne nous permettent ni de nous relever, ni de reporter nos yeux vers la contemplation de la vérité. Ils nous tiennent plongés, abîmés dans la fange des passions. Il ne nous est jamais permis de revenir à nous, même lorsque le hasard nous amène quelque relâche. Nous flottons comme sur une mer profonde, où même après le vent, on sent encore le roulis des vagues, et jamais à la tourmente de nos passions, on ne voit succéder le calme. Vous croyez que je ne parle que de ceux dont chacun publie les misères? Mais considérez ces heureux du jour, autour desquels la foule se presse. Leur bien les étouffe. Combien d'hommes que l'opulence accable, combien d'autres pour cette éloquence, qui, dans une lutte de chaque jour, les force à déployer leur génie, ont épuisé leur poitrine. Combien sont pâles de leur continuelle débauche, que de grands à qui le peuple des clients, toujours autour d'eux empressés, ne laisse aucune liberté. Enfin, parcourez tous les rangs de la société, depuis les plus humbles jusqu'aux plus élevés. L'un réclame votre appui en justice, l'autre vous y assiste. Celui-ci voit sa vie en péril, celui-là le défend, cet autre est juge. Nul ne s'appartient, chacun se consume contre un autre. Informez-vous de ces clients dont les noms s'apprennent par cœur. Vous verrez à quel signe on les reconnaît. Celui-ci rend ses devoirs à un tel, celui-là à tel autre. Personne ne s'en rend à soi-même. Enfin, rien de plus extravagant que les colères de quelques-uns. Ils se plaignent de la hauteur des grands qui n'ont pas eu le temps de les recevoir. Comment osent-ils se plaindre de l'orgueil d'un autre, celui qui jamais ne trouve un moment pour lui-même? Cet homme, quel qu'il soit, avec son visage dédaigneux, vous a du moins regardé. Il a prêté l'oreille à vos discours, vous a fait placer à ses côtés. Et vous, jamais vous n'avez daigné tourner un regard sur vous-même, ni vous donner audience.